Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Cette semaine, on m'a dit plein de choses. Dans Télévision, le CRTC s'intéresse à deux chaînes spécialisées de films porno. Moi aussi, je m'intéresse à deux chaînes spécialisées de porno. J'ai quelque chose en commun avec le CRTC. Dans le segment Geek CX, selon un sondage, le Blu-ray serait un animal marin pour certains Américains. C'est comme ça qu'on devrait appeler les auditeurs d'assemblage requis les Blu-rayquins. Et dans la geekette en devenir, des chars remplacent les dinosaures dans le parc jurassique. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence tout de suite. Et voici celui pour qui chaîne spécialisée lui fait chanter « Chain bright like a diamond », Mathieu Plante. Chain bright like a diamond. Hey, je suis bonne, hein? T'es très bonne, bonne chanteuse. Merci. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Alain Dumas et comme toujours, j'ai besoin de quelqu'un avec qui dialoguer, donc j'accueille ma collimatrice Marie-Ève Picard. Bonjour. Bonjour, cela va? Ah oui, cela va bien. Très bien, merci. D'accord. Dans quelques minutes, on va débuter avec Television. Avant ça, on va écouter un petit peu de musique chiptune, comme on aime le faire en début d'émission, c'est-à-dire de la musique inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et je vous propose pour débuter une nouvelle chanson d'un duo de chiptune qui est composée de George et Jonathan. Donc, c'est la pièce Jammin' qu'on écoute à l'instant pour débuter ce Mathieu Plante Show sur C'est fou. C'est bon, tout barnouche. Ben là, attaque, elle commence, là. Non, c'est bon. Si t'aimes pas ça, c'est que t'as pas de goût, non, c'est pas vrai. La pièce Jammin' de George and Jonathan sur leur futur album George and Jonathan 3. Allez voir assemblagerequis.com pour le lien. Maintenant, on débute l'émission avec Television Television. Origine Télévision de Marie-Ève. Yay! C'est la chronique télé. Oui! T, accent aigu, L, accent aigu, deux syllabes. Une chance que tu l'aies plu. C'est comme Télévision Télévision, deux fois deux mots. Ouais. Bon, voilà. Donc, on va débuter au Québec, comme on le fait toujours. Oui. La nouvelle dont tout le monde a entendu parler, mais quelques détails qui vous échappent peut-être si vous avez écouté. Des fois, certains... Des rumeurs courent sur Internet. On se dit, bon, Tout.tv devient payant. C'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai. Donc, éclaircissons un petit peu le sujet pour ceux qui sont pas au courant. Mais oui, éclaire-nous. Dès la fin du mois de mars, ici, Tout.tv, qui est le nouveau nom là, de Tout.tv depuis que Radio-Canada, c'est ici. Donc, ici, Tout.tv, proposera une nouvelle section de vidéos en haute définition sur demande baptisée Extra, laquelle viendra se greffer à sa plateforme actuelle. L'ajout sera gratuit pour les abonnés de TELUS et de Rogers. OK. Alors que les autres utilisateurs pourront s'y abonner moyennant des frais mensuels. Donc, les utilisateurs de Rogers et TELUS qui vont pouvoir bénéficier d'un environnement sans publicité, les autres qui vont payer aussi, donc les abonnés de cette portion extra n'auront pas de publicité. Le contenu actuel du site de visionnement en ligne va demeurer gratuit, même si l'interface sera revampée d'ici la fin du mois de mars. Les utilisateurs pourront continuer de faire leur rattrapage télé sur ici-outou.tv, mais ils auront également accès à plus de 400 titres supplémentaires, toujours en version française, dans la section extra. Des séries étrangères ou canadiennes, des films et peut-être même du contenu original style web TV vont s'y retrouver. Bien que l'ensemble des titres qui seront offerts aux abonnés de la section extra ne sera dévoilé que plus tard ce mois-ci, Radio-Canada a tout de même annoncé qu'au bout du lac, la version française de Top of the Lake ainsi que la série française Engrenage allaient y figurer. Tout comme sur Netflix, la plateforme payante de visionnement en ligne de plus en plus populaire au Canada, tous les épisodes d'une saison d'une série télé seront mis en ligne en même temps. Donc, d'un coup sec, la saison complète, en qualité haute définition et donc sans publicité pour les gens qui vont payer pour... Donc, que davantage. Ici, Tout.tv pourrait également produire du contenu original, mais rien de concret n'a été annoncé en ce sens. Les séries et films vont demeurer disponibles sur Extra plus longtemps que sur la plateforme actuelle d'ici Tout.tv, sans toutefois y être archivés. Donc, ça va rester plus longtemps, mais pas l'archive. Tu pourras pas retourner voir une série qui est maintenant sur Blu-ray ou DVD. Hein? Quand même. Les abonnés de TELUS et de Rogers qui voudront visionner le contenu de la section extra du site pourront le faire autant sur leur ordinateur que sur leur tablette ou encore sur leur téléphone intelligent, et ce, peu importe leur fournisseur de services Internet. Donc, si t'as la télé chez TELUS ou Rogers, t'auras pas besoin d'avoir Internet par eux. Exact. Donc, quand même un avantage, tu peux avoir une autre compagnie, il n'y a pas de problème. Il suffira de visiter le site ici-tout.tv et de cliquer sur la nouvelle section pour s'y abonner. La validation de l'abonnement pour ces usagers se fera par message texte sur leur téléphone mobile. Ça va être un petit peu sur le même principe que Hulu Plus et les sites des grands réseaux aux États-Unis ont souvent ça. Tu dois confirmer par ton fournisseur de télé. Tu dois entrer ton code d'utilisateur et ça fonctionne. Pour ce qui est des autres usagers qui voudront payer pour accéder au contenu, ils devront patienter encore un peu avant de connaître le coût de l'abonnement mensuel. La section extra d'ici Tout.tv s'avère un nouveau joueur dans le marché des services de vidéos sur demande payants comme Netflix et le Club Illico Groupe Québécois, etc. Dont la popularité est en hausse importante au pays. Ça va très bien, mais pour vrai, juste pour l'aspect pratique, on a parlé mille fois. Oui. C'est vraiment le fun, Netflix. C'est extraordinaire. Tu sais, ça coûte pas grand-chose puis t'as vraiment beaucoup de contenu. Mais là, j'espère que s'il faut payer, que ça va être aussi peu cher que Netflix. C'est ça, c'est 8$ par mois, Netflix. Oui. Ça vaut vraiment la peine. C'est le prix de quoi? 3 cafés, mettons. Ouais. Puis j'espère que quand même, si c'est le même prix, qu'ils vont avoir autant d'émissions, parce que sinon, tu sais... C'est le contenu qui va faire que les gens vont s'abonner. Exactement. Et aussi, question, est-ce qu'on va savoir un peu... parce qu'avant de m'abonner, mettons, là, j'aimerais savoir ça va être quoi les genres de choses, là, avoir des listes un peu de films ou des noms d'émissions. C'est la difficulté pour Netflix qu'on a eue, parce que, bon, il y a des blogs qui existent pour voir le contenu au complet de Netflix, mais tu peux pas aller fureter sur l'interface Netflix, voir de quoi ça aurait l'air, à moins de t'inscrire à la version test. Donc, tu peux t'inscrire à avoir une version d'essai de Netflix. Donc, il faudrait qu'il y ait la même chose sur le site de Tout.tv. Oui. Juste un petit 7 jours au pire. Je crois que Netflix, ouais, c'était un mois, deux semaines. Oui, c'était un mois. Ouais. C'est ça. C'était une promotion spéciale. Un mois, d'habitude, c'est deux semaines. Ah, OK. Ouais. Mais bon, donc, il faudrait au moins ça. Ben oui, et même une semaine, là, ça sera en masse. Là, tu le sais tout de suite. Exact. Si t'aimes ça, là, si sinon, ça vaut la peine. Sinon, tu sais, vu qu'il y a une version gratuite de Netflix, montrez-moi peut-être, genre, je sais pas, les trois premières minutes. Tu sais, juste le début d'une émission, tu sais, mettons. Mm-hmm. Pour ben voir, oui, je pourrais tester la qualité au moins. Ben, ouais, aussi. Il y a plein de trucs qu'ils vont sûrement essayer pour nous convaincre. Parce que si ça vaut la peine, tu sais, au pire, 5$, c'est pas super. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien beau, c'est des sites de streaming et tout ça, mais tu sais, il faut que tu cherches les, ouais, places, il faut que tu cherches une série en particulier. Mm-hmm. Tu sais, là, j'aime avoir tout centralisé sur une seule interface, ouais, qui est bien faite. Bon. Mais la fois que je trouve plate quand même, c'est juste que ça reste pas. Tu sais, tu mentionnais que c'était pas. C'est très éphémère. Ouais, c'est ça, exact. C'est le mot que je cherchais. Si t'as pas fini la saison avant le. Tu sais, il y a tant de délai. C'est ça. Il y a un avion qui marque genre. Ouais. Ça dit genre. Que ça va s'envoler à telle date. Là, ça, j'aime pas ça. Non, moi non plus. On reste au Québec, on s'en va chez Télé-Québec maintenant qu'il lance une nouvelle plateforme web. Oh? Ouais. Télé-Québec a lancé une toute nouvelle plateforme web vouée à la diffusion culturelle. La Fabrique culturelle, c'est le nom, se situe entre le magazine web, la chaîne de diffusion vidéo et le réseau social spécialisé en culture. La plateforme offrira à des artistes émergents une vitrine dans la sphère publique, en plus de présenter des œuvres originales relevant de plusieurs disciplines culturelles comme les arts visuels, le cinéma, la danse, la littérature, la musique et le théâtre. On y retrouvera également des portraits, des entrevues, des performances, des œuvres en création et des courts-métrages. Les 10 bureaux régionaux de Télé-Québec dans la province produiront pour la plateforme divers contenus audiovisuels, travaillant conjointement avec des entreprises et des organismes culturels, ainsi que des artistes de toutes les régions. C'est déjà plus de 300 vidéos qui sont en ligne sur le site lafabriqueculturelle.tv et le Conseil des arts et des lettres du Québec, a par ailleurs profité du lancement de la plateforme pour annoncer qu'il offrira une bourse de création d'une valeur totale de 150 000 $ aux artistes et aux écrivains, spécifiquement pour des œuvres originales destinées à être diffusées sur la Fabrique culturelle. Donc, bonne nouvelle pour l'environnement culturel québécois. Bravo Télé-Québec, après avoir mis la hache dans Voir, le magazine culturel. Ouais. Les vlogs avec une nouvelle émission de culture cet automne en 2014 et en plus un site web. Ouais, ben on verra bien. Ouais, ben ça s'annonce bien en tout cas. Ouais. Bon, ensuite le CRTC, on passe maintenant au Canada. Le CRTC s'intéresse à deux chaînes spécialisées de films porno. Oh. Nos grands amis du CRTC, ceux qui ont main mise sur notre licence, donc on les salue et on les a. Bonjour! Salut. L'organisme fédéral responsable des règles entourant la télédiffusion au Canada veut tout découvrir de deux chaînes spécialisées dans les films pornographiques. Tu vois qu'ils veulent passer de belles soirées. Ben oui. Selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, AOV XXX Action Clips et AOV Maleflix. Maleflix? Ouais, Maleflix. C'est comme un jeu de mots avec Maléfique, mais film aussi, tu sais, Maleflix. Oui. Et Netflix en même temps, peut-être un peu oui. Slash sur le bord. Genre. Donc, ne présente pas suffisamment de contenu canadien, toi. Ou de programmes incluant des sous-titres codés. Ah. Ces chaînes spécialisées doivent normalement diffuser 35% de programmation canadienne sur une période d'un an et 90% de son contenu doit offrir des sous-titres codés. Dans le cadre de demandes de renouvellement de permis, le CRTC prévoit prendre connaissance d'exemples de ce présumé non-respect des règles. Ouais, ils veulent des exemples. Ah ouais, on va mettre des exemples. Hein. on va mettre un comité là-dessus, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc, le CRTC veut également en savoir plus sur la structure de l'entreprise propriétaire des chaînes et le CRTC pourrait, en guise de représailles... Donc, est-ce que j'ai sauté un paragraphe? Non, c'est ça. Ils veulent les exemples et savoir le contenu canadien, il provient d'où, ils ont quel pourcentage. Mm-hmm. Tout le monde doit faire ça, c'est normal. Donc, le CRTC pourrait, en guise de représailles, révoquer les licences ou les renouveler pour une plus courte période de temps. Ça, c'est vraiment triste quand ça arrive, quand il y a des problèmes dans une station, que ce soit de radio ou de télé. Des fois, ta licence est renouvelée à court terme et là, tu dois travailler à chaque quelques mois ou à chaque quelques années pour refaire toute la demande. C'est un processus super laborieux. Donc, ce serait donc juste parce que la chaîne ne suit pas les règles. Ouais, c'est ça. Dans ce sens-là, là, pour c'est nous sûr que pas. C'est plate, là, mais... C'est de même que ça se fonctionne. Suis les règles, man! Exactement, man, woman et autres ouais. Trans, peu importe. Donc, le CRTC qui va faire enquête sur ces deux chaînes qu'on appelle AOV XXX Action Clips et AOV Maleflix, deux chaînes qui appartiennent à la même compagnie, étant donné le AOV au début. Donc, voilà. Article de la presse canadienne en passant. Maintenant, la surprise de la semaine du côté du Canada anglais, c'est l'animateur de talk show George Trumbolopoulos qui, premièrement, a perdu son talk show George Trumbolopoulos Tonight qui animait depuis 10 ans. Hein? On adore George. Tu m'avais pas dit ça. Je voulais te le garder en surprise. Oh my God, what? C'est triste. Cette émission-là que je suivais depuis sa présence sur CBC News Network. Et CBC News, je crois qu'il y avait un autre nom avant ça, CBC News Channel. En tout cas, bref, il était là depuis 10 ans. Il était sur CBC, c'est leur animateur de talk show de fin de soirée. Ben oui. Super sympathique. Oui, donc, il y avait une Moses de bonne chanson. Oui, use it, the new pornographers, si je me rappelle yeah. bien. C'est bien ça, en tout cas, bref. C'était vraiment très, très bon, cette émission-là. Donc, il apparaît à la fin de la saison. Par contre, la raison qu'il... Ben, probablement la raison qu'il part cette émission-là, c'est que c'est lui qui va être le futur animateur de la soirée du hockey sur CBC, Hockey Night in Canada. Hein? Ouais, c'est bizarre, hein? Il va animer, genre, quand que lui est habitué d'interviewer ouais. des super vedettes. Et là, il tombe... à animer une soirée de hockey ben, au Canada. C'est une émission réputée, la soirée du hockey, mais j'avoue qu'il fera pas grand-chose de très intéressant là. Ben et, là, mais bon. ça semble ça drop de... Ben non, ça augmente de calibre et augmente de salaire énormément, mais, ouais, mais... ça descend dans mon estime personnelle et la tienne probablement. Oui, ben oui. George, George Strumbopoulos, celui qu'on appelait Strumbo, sera le prochain animateur de Hockey Night in Canada. La personnalité de la chaîne CBC deviendra le visage de l'émission à compter d'octobre 2014. Il s'agit du premier changement majeur de personnel fait par Rogers depuis que l'entreprise a acquis les droits de diffusion. On n'avait pas couvert ça à Television, évidemment, parce que c'est un trop gros sujet, tout le monde le savait. Mm-hmm. Donc c'est en novembre dernier. Une entente de 12 ans, d'une valeur de 5,2 milliards, pas dans poche de Strumbo, quand même. Donc, Don Cherry, Rob McLean, l'équipe la plus connue du hockey canadien, ainsi que Darren Millard et Jeff Merrick font également partie de l'équipe annoncée par Rogers. L'annonce survient alors que la CBC a annoncé l'annulation du talk show de Strumbo à la fin de sa 10e saison. Et Strumbo animera non seulement l'émission du samedi soir, la soirée du hockey, c'est le typique samedi soir, oui. Mais aussi d'autres présentations sur les ondes de City TV, Sportsnet et d'autres plateformes. Donc, vraiment, il change complètement de camp. Tant mieux pour lui. Ben, il dit qu'il est un amateur de hockey depuis sa jeunesse, comme tous les Canadiens qui se respectent, même si. T'sais. Moi, je. Non, tu sais, vraiment pas pour moi, mais bon, tant mieux pour ceux que ça intéresse. Mais bon, Strumbo, c'est triste de le voir quitter cette émission de talk show-là. Moi, j'aurais préféré au moins qu'il réduise à peut-être une fois semaine. Ouais. Mais triste de perdre ce talk show-là. Mais là, donc, le talk show aussi est fini. Là. C'est complètement. Pas juste lui qui s'en va puis il le remplace pour... Non, mais l'émission portait oui, le nom... Oui, je sais, portait son nom, mais tu sais, il aurait pu redonner, mettons, remplacer par quelqu'un d'autre en changeant le nom, exact. Mais... Garder temps, un talk show comme. Ben, sûrement qu'il va sûrement rester talk show à CBC. Dans le temps, ça s'appelait The Hour avant qu'on chope ça à une demi-heure, là. qu'on coupe de moitié son émission. Oui. J'aurais bien aimé qu'il l'appelle The Half Hour. Mais ouais. Bon, ils ont décidé d'appeler ça George Strumbopoulos tonight parce que c'était la grosse vedette de CBC. Mm-hmm. Moi, c'est un grand, grand nom qui quitte la bête radio-canadienne. Oh. Triste, mais j'ai hâte de voir qui va le remplacer. Il va quand même falloir qu'on se force. Et qu'on écoute sa première émission de hockey, tout à fait. Hockey, parce que quand même, hein. C'est une bonne personne. C'est Georgie. Et en plus, il avait animé un talk show sur CNN cet été, qui avait fait vraiment un gros flop, malheureusement. Oh. Donc, tu sais, si au moins il y avait eu. Tu sais, justement, Strumbo perd son talk show à CBC. Ouais. Là, il a perdu son émission à CNN à l'été passé. Ouais. Donc, j'imagine que quand il a vu le contrat de Rogers avec des signes de dollars à la fin, il se disait, bon, gars, ça marche pas mon talk show, là. Moi, à l'animer du hockey pour l'instant. C'est pas un choix de. Il signe pas avec le diable pour le reste de sa vie, là. Non, non. Il peut revenir au talk show plus tard, ça. Il n'y en a pas wow, de en même temps, si maintenant ces codes d'écoute étaient vraiment pas bonnes, qui va vouloir leur prendre? Je sais pas. C'est plate à dire, là. Mais... Ouais, mais si les codes d'écoute avaient été si mauvaises que ça, ce qui est le cas de bien des émissions sur CBC, ouais, ça serait fait enlever bien avant. Mais... Ça aurait pas duré 10 ans. Ouais, peut-être. Mais bref. Oh, well. Maintenant, on va en France. Oh, ouais, on va loin. Ouais, on varie beaucoup de pays, vous allez voir. Mais là, c'est parce que là, il faut se dépêcher, il faut aller prendre l'avion. Ah, pas besoin, je vais seulement t'en parler. Oh. Je suis pas capable de faire l'accent, par contre. Oh non, essaye, s'il te plaît. Non, je suis pas un bon imitateur, tu le sais. T'as déjà écouté mes émissions? Ben oui. Une de tes nombreuses émissions. Ils sont toutes aussi poches les unes que les autres en accent. Mais non. Donc, le journal Le Parisien a dévoilé qu'un remake français de la série britannique Broadchurch. Broadchurch qui s'en vient à Radio-Canada dans les prochains mois. En fait, je crois que c'est peut-être déjà commencé. C'était après les Olympiques. Donc, en cours d'écriture présentement, la version française. Je sais pas si ça va être Église Large ou je sais pas quoi. Le nom de Broadchurch. Ben non, là, quand même. La société de production Shine France a déjà trouvé le réalisateur principal à la version française d'Église Large. Il va comporter 8 épisodes pour la saison 1, avec la même trame que la version britannique. Je vous rappelle l'histoire, l'assassinat d'un jeune garçon, Danny Latimer, ou Danny la petite mère, comme sûrement qu'ils vont l'appeler, mis sous le feu des projecteurs la petite communauté de Broadchurch, petite ville côtière du comté de Dorset. L'inspecteur Alec Hardy, récemment nommé à son poste, est en charge de l'enquête avec le lieutenant Ellie Miller, proche de la famille Latimer et qui espérait le poste de Hardy. Les résumés de séries télé sont tous plates, à mon avis. Ouais. Tu peux pas rendre une série intéressante en deux phrases. Non, non, effectivement. Ça ne se fait pas. Faut la regarder. Et voilà, Broadchurch, suivez ça sur, j'imagine, tout.tv, ça doit être là-dessus. On retourne aux États-Unis maintenant. En fait, j'avais mis cette nouvelle-là de la France pour aller avec les nouvelles francophones qu'il y avait avant, mais sans réaliser que George Strumbopoulos, c'est comme tout sauf français. Robert Rodriguez lance le réseau de télé El Rey. avec sa populaire série à suspense, ben en fait, on commence le paragraphe, aucun rapport avec Robert Rodriguez, c'est comme pour vous amener le sujet, mais avec sa populaire série à suspense politique House of Cards, Netflix a contribué au cours de la dernière année à changer le paysage télévisuel. Et bien, ces prochains mois, la télévision pourrait être bousculée, elle aussi, par un autre joueur, le cinéaste Robert Rodriguez, qui lance avec ses studios Troublemaker un nouveau réseau de télévision aux États-Unis. Et Netflix est de la partie, ayant obtenu les droits de diffusion au Canada et dans quelques autres pays de la première série de la chaîne El-Ray, parce qu'on n'aura pas la chaîne El-Ray au Canada. Donc, El-Ray, la nouvelle chaîne de M. Rodriguez, se veut à l'image éclectique de son propriétaire et souhaite héberger un cœur de voix indépendantes. La première série originale du réseau, From Dusk Till Dawn, The Series, donc s'est ouvert mardi soir dernier aux États-Unis. Au Canada, Netflix va assurer la diffusion de la série de 10 épisodes à compter du 12 mars, aujourd'hui même, en vertu d'une entente avec le producteur Miramax. Ce qui est le fun, c'est que Netflix, tu sais, la saison au complet arrive en même temps. Oui. Donc, si je comprends bien le texte, je peux aller voir sur Netflix parce que Colin, on est au travail en ce moment. Mais j'imagine que la série va être au complet sur Netflix, alors qu'aux États-Unis, ça va être, j'imagine, un épisode par semaine parce que c'est une chaîne de télé. Donc, on a un avantage, si je comprends bien. Donc, une série fantastique noire dont M. Rodriguez réalisera plusieurs des 10 épisodes est une réinvention du film du même nom de 1996 écrit par Robert Kurtzman et Quentin Tarantino, des petits noms, avec une distribution incluant à l'époque des no-name brands comme George Clooney et Salma Hayek. Wow. C'est qui ça? La série, évidemment, ils ne seront pas les vedettes de la version télévisée. La série s'attarde aux frères Gecko, deux voleurs de banque qui sont traqués par un duo de Rangers du Texas, rien à voir avec les équipes de sport quelconque. À la suite d'un vol qui a fait plusieurs morts, les deux brutes prennent la fuite au Mexique et se réfugient dans un bar défeuilleuse des stripteaseuses, mais l'établissement s'avère être un repère de vampires. Ça a un rapport avec des vampires, ça. Tout a rapport avec des vampires, monsieur, dans la vie. Ça va fonctionner, il y a des vampires. Tu le savais pas? Ça me dit quelque chose, des vampires. Oui. El-Ray est présenté comme une chaîne pour jeunes hommes et femmes fonceuses, donc on appelle ça des kick-ass females. Très cool, ça. C'est ce qu'a dit le cinéaste. Ce que M. Rodriguez semble avoir en tête est bien simple. Un réseau qui offre des émissions qui le font vibrer lui-même, qu'elles aient été conçues par lui ou par d'autres. Évidemment, les émissions que lui-même fait ont pas su le faire vibrer. Destiné à n'importe quel auditeur qui partage ses goûts ou qui serait prêt à plonger dans son univers. Le principal intéressé a expliqué qu'il ne voulait pas d'un réseau de niche, soulignant que la prochaine série originale aura une portée un petit peu plus large. Cette série sera nommée Matador, créée par Roberto Orci et Alex Kurtzman, co-créateur et producteur des séries Sleepy Hollow et Fringe. Quand même, elle s'attarde à un champion mondial de soccer et playboy qui, à l'insu de ses admirateurs, est aussi un agent secret de la CIA. Elle doit prendre son envol au début du mois de juillet. Superbe. El-Ray, cool comme nouvelle chaîne. C'est sûr que une nouvelle chaîne de télévision dans le contexte économique actuel, comme dirait toutes les grandes phrases de tout pré-marché, c'est peut-être pas une super bonne idée. Ça risque pas de faire de l'argent avant un bon bout de temps. On sait pas. On leur souhaite bonne chance. Là. Ouais. Mais bon, sûrement qu'une chaîne en ligne aurait peut-être été une meilleure idée. Là. Ouais, pour commencer. Ensuite, Matthew McConaughey arrête True Detective. La série à succès, c'est la grosse série canon en ce moment aux États-Unis. L'acteur fraîchement oscarisé ne participera pas à la deuxième saison du Polar, actuellement diffusé chaque dimanche soir sur HBO, selon Variety. Matthew McConaughey confirme qu'il arrêtera son expérience télévisuelle à l'issue de la première saison de True Detective, dont le final est programmé le dimanche 9 mars prochain. Passé. Cette nouvelle dévoilée dans les coulisses de la cérémonie des Oscars n'a rien de surprenant puisque la série policière a été conçue comme une anthologie. C'est déjà prévu qu'à chaque saison, cette nouvelle gang, un nouveau groupe. Chaque nouvelle saison voit apparaître donc une nouvelle intrigue et des personnages inédits. True Detective ne se calquera pas sur American Horror Story, qui est l'anthologie de FX, qui a malgré tout conservé quelques acteurs, dont Jessica Lange, au fil des saisons. Autre vedette à l'affiche de True Detective, tellement trop de R. Ben, il y en a juste un, quand je regarde ça. True Detective. Bref. C'est juste toi qui as de la misère avec ce mot-là. Ouais, je sais bien. Woody Harrelson devrait prendre le même chemin que Matthew McConaughey, c'est-à-dire de ne pas revenir. Chaque semaine, la série attire près de 11 millions de téléspectateurs. Donc, un énorme succès. Une saison 2 qui va sûrement réussir à avoir des vedettes de cinéma aussi, si ben c'est oui. ce que HBO voulait mettre des vedettes de cinéma dans cette série-là. Ben surtout s'ils voient que ça pogne, ils n'ont pas mal le choix de continuer comme ça. La chaîne américaine ABC a annoncé que Isaiah Washington ferait un retour à l'émission Grey's Anatomy, Dr. Grey, leçon d'anatomie, en tant qu'acteur invité. Oh. Ça fait 7 ans qu'il est parti. Déjà? Ouais. Ça fait 7 ans. Ça passe vite, hein? C'est en 2007 qu'il avait quitté la série après une querelle survenue un an plus tôt, révélant qu'il avait donc lancé une insulte homophobe à l'acteur T.R. Knight. Oui. un des acteurs principaux. Le retour de l'acteur dans le rôle du docteur Preston Burke coïncide avec le départ de l'une des vedettes de la série. Tu savais que Sandra Oh quitte? Oui. Donc, à la fin de la saison, en mai, son personnage de docteur Christina Yang a été fiancé à celui de Washington lors d'une saison précédente. Oui. Spoiler alert, il y a genre 7 ans. Ouais. C'est ça? Exact. La date de diffusion de l'épisode auquel participera Washington n'a pas été révélée, mais on s'entend donc que les plaies ont été... Qu'est-ce qu'on fait avec une plaie? On la cicatrise. Oui. Les pièces se sont cicatrisées, est le mot que je cherchais. Ah, OK. Ça veut dire avec les acteurs et les autres gens. C'est une mauvaise analogie. Oh. Ouais. Maintenant, on parle. on s'en va en Russie, mais pas vraiment. En fait, c'est la version américaine d'une chaîne russe. Donc, Liz Wall, la présentatrice de nouvelles de la chaîne de télévision de nouvelles continue russe Russia Today, a démissionné en direct pendant la diffusion de son émission. Hein? C'est vrai. L'animatrice d'origine américaine qui a expliqué qu'elle ne pouvait plus, je cite, faire partie de réseau qui blanchit les actions de Vladimir Poutine et l'intervention militaire de Moscou en Crimée. La Crimea, ça c'est le pays où se passe plein d'affaires en ce moment dont tout le monde parle aux nouvelles. Liz Wall, une correspondante de Washington pour RT America, qui fait partie du réseau anciennement connu sous le nom de Russia Today, maintenant RT, a dit aux téléspectateurs qu'elle démissionnait à cause de la couverture des actions du président Poutine dans la région de l'Ukraine. Dans le verbatim, donc la transcription, Liz Wall dit, je cite, « Je ne peux faire partie d'un réseau financé par le gouvernement russe qui blanchit les actions de Vladimir Poutine. » C'est la même chose qui a été dit dans le paragraphe de deux fois d'avant. « Je suis fier d'être américain et je crois que nous devons révéler la vérité. C'est pourquoi, après ce bulletin, je démissionne. » Wow! C'est quelque chose, une démission live, en direct. Ouais. Elle a des couilles? Ouais, c'est ça, devant public. C'est quelque chose. Oui. Maintenant, ben ça, une nouvelle triste, là, je l'ai mis à la fin parce que Colin... C'est plate comme nouvelle, c'est triste. Bon, vas-y. Ouais, c'est encore une histoire de mort. La Corée du Sud s'interroge sur les excès de la télé-réalité après le suicide d'une jeune femme sur le tournage d'une émission populaire accusée d'éprouver la dignité des candidats pour faire monter les codes d'écoute. Le corps de Chun, 29 ans, a été découvert dans un hôtel de l'île de Jeju où se déroule le tournage de l'émission Jack. Donc, en français, le partenaire, produite par SBS, une des trois premières chaînes de télévision du pays. La jeune femme qui se serait pendue, oui, avec les détails, hein, avec le fil d'alimentation de sèche-cheveux, OK, c'est pas pertinent, ouais, okay. A laissé une lettre dans laquelle elle exprime sa volonté d'en finir. Selon le concept de l'émission, c'est que 10 hommes et 10 femmes reclus une semaine dans l'hôtel baptisé Cité de l'amour. C'est comme un genre de love story coréen, si on veut. Donc, ils traversent différentes épreuves censées leur permettre de choisir le partenaire idéal. Diffusée depuis 2011, l'émission plonge les candidats dans des états d'émotion extrêmes, les obligeant par exemple à manger seuls sous l'œil des caméras s'ils sont éconduits. Donc, si on les choisit pas, ils vont aller manger seuls puis déprimés dans leur assiette. Sa mère a confié au quotidien Jong Rang Limo que dans leur dernière conversation téléphonique, Chun disait ne plus pouvoir vivre en Corée du Sud si l'émission était diffusée. Elle avait honte. Selon des amis cités par le journal, elle accusait les producteurs de vouloir lui coller l'image d'une jeune femme impopulaire et sombre. SBS a annulé la diffusion de l'émission prévue mercredi, il y a quelques semaines, ou le plus récent. Non, ça doit être mercredi dernier. Peu importe. Elle a présenté des excuses publiques aux téléspectateurs ainsi qu'à la famille de Chun, sans pour autant assumer la responsabilité de la tragédie. La police a fait savoir qu'elle examinait les éventuelles responsabilités de la production dans le suicide de Chun. Les enquêteurs ont saisi des vidéos à cet effet. L'article est à peu près trois fois long que ce que je viens de lire, donc allez voir sur assemblagerequis.com. Pour les détails, mais la télé-réalité peut provoquer bien des choses pas nécessairement positives. Donc, s'il y a enquête, je dis que, mettons, la famille pourrait poursuivre les producteurs de la télé-réalité. C'est pas mal exactement ça. Mmh. Ouais. Ouais? Ouais, ça va loin tout ça. Mais voilà pour Télévision. Tout à l'heure, le bulletin Geek CNX. Mais avant ça, une deuxième pièce de chiptune pour l'émission d'aujourd'hui. On s'en va entendre un de mes artistes préférés à moi. Je l'ai inclus là-dedans en disant un de nos artistes préférés. si je dis le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Wow. Ouais, OK, mais, ouais. C'est ça, c'est l'émission qui aime bien ça. Ouais, OK, c'est bon ça. Et par association, donc moi-même. Oui? C'est l'artiste Laffy the Fox. On a entendu ce nom-là fréquemment à l'émission depuis le début. Donc, on s'en va entendre une pièce qui est disponible en téléchargement gratuit via SoundCloud. C'est Left Alone in Outer Space. Bah, c'est plein de choses. Sur C'est fou. 89. Ouh. We'll be right back. Life in Fox, Left Alone in Outer Space. Encore une fois, téléchargement gratuit via assemblagerequipe.com. Le lien est là, bien en évidence, dans la section musique de cet épisode du Mathieu Plante Show. Ah, maintenant, on va parler de technologie. Voici le bulletin Geek Scenix. Petit survol rapide des nouvelles geeks de la semaine. Commençons par les avancées technologiques. Samsung souhaite transformer vos mains en clavier. Une demande de brevet déposée par le fabricant sud-coréen propose une façon plutôt étrange de taper au clavier. Samsung travaille à l'élaboration de ses propres lunettes intelligentes inspirées de Google Glass. C'est bien difficile de ne pas se poser de questions quant à la façon dont le fabricant tentera de différencier son produit de la concurrence. Selon le concept décrit dans le brevet récupéré par le blog néerlandais Galaxy Club, Samsung envisage d'utiliser la réalité augmentée sur les mains des porteurs des lunettes intelligentes afin de leur permettre de taper des messages. Les illustrations qui sont annexées à la demande proposent une façon de disposer les 26 lettres de l'alphabet sur différentes portions des mains tout en laissant libre les pouces afin de taper sur l'étrange clavier numérique. Donc imaginez quelqu'un qui marche sur le trottoir, les mains devant le visage, qui tape sur ses propres doigts. Donc tu tapes, mettons, avec... je vais donner des exemples un petit peu plus concrets. Là. Mettons, ton index comporterait... Ton doigt est tout le temps divisé en trois sections. Oui. OK. Donc, en haut, tu aurais Q. Au milieu, tu aurais A et Z ensuite. Sur l'autre doigt, W, S, X, E, D, C, T, R, F, V, G. Et sur l'autre main, d'autres lettres. Donc, tu taperais sur différentes parties de tes doigts. Avec ton pouce. Avec ton pouce. Donc, c'est un petit peu comme sur un clavier QWERTY où tu as les lettres Q, W, E, R, T, Y. Ben, le bout de tes doigts serait aussi Q, W, E, R, T, T, genre comme ça. Ça devient compliqué là, à s'imaginer, mais une fois que tu aurais ton clavier en tête, sur tes doigts, tu saurais où taper avec ton pouce, sur quel morceau de ton doigt. Évidemment, les lettres les moins utilisées, c'est sur le fond de tes doigts, proche de ta paume, et les lettres plus utilisées sur le bout de tes doigts. On se comprend-tu? Oui. C'est vraiment complexe, mais c'est ce qu'il aimerait amener comme façon de faire, façon de se différencier. Mais ouais, bon. Mais... Ouais. Ouais. Non, moi non plus. Non, j'aime pas ça. Je n'embarque pas là-dedans du tout. Samsung justifie son concept. On dirait que tu vas faire genre du langage des signes. Mais encore plus complexe. Si seulement c'était juste du langage des signes, tu pourrais justement. Ça te servait de l'alphabet qui existe déjà. Mais bon, bref. Passons. Envie de pipi. Il y a un site internet pour ça, oui. D'accord. Besoin pressant, il y a désormais un site internet pour le faire. Airbnb, sur le modèle des chambres à partager qu'on appelle Airbnb, propose désormais les toilettes les plus proches. L'idée a germé chez deux natifs de la Nouvelle-Orléans, Max Godin et Travis Laurendine. L'idée est donc de mettre en contact des personnes nécessiteuses avec des habitants prêts à partager leur salle de bain avec le même système de photos et de notes que Airbnb. Le nombre de lieux disponibles est pour le moment réduit et largement concentré à la Nouvelle-Orléans, donc on parle d'une trentaine d'endroits. Il y aurait aussi quelques 120 endroits en Europe. Les propositions viennent souvent de bars, quelquefois de bureaux ou de particuliers offrant gratuitement ou pour jusqu'à 5$ l'occupation de leur toilette. Le système est accessible sur Internet et l'application pour téléphone intelligent encore en développement. Donc ça va venir Airbnb. c'est weird, hein? Évidemment, PNP, là, tu peux pas. Il n'y a pas juste du pipi là-dedans. Ben non. Mais bon, c'est plus cute comme nom. Ouais. Les amateurs de bandes dessinées américaines peuvent télécharger gratuitement et légalement 15 000 BD tirées de l'âge d'or des bandes dessinées. Les fans de comics que l'anglais et le côté vintage du genre ne rebutent pas vont avoir de la lecture. Le Digital Comic Museum vient de mettre à disposition des internautes une partie de ses archives en libre téléchargement. La plupart des 15 000 numéros concernés datent de l'âge d'or des bandes dessinées, c'est-à-dire d'avant 1959. Le contenu proposé est libre de droit, ce qui signifie que son téléchargement est légal et autorisé. Par contre, bon, il y a quelques absences là-dedans. Il n'y a pas de DC Comics, il n'y a pas de Marvel ou de Disney. Là, on parle de plus de trucs qui sont tombés dans le domaine public depuis les dernières années. Reste tout de même que la possibilité de découvrir des titres moins connus est quand même alléchante, des séries complètes, le tout à moindre frais. Donc, allez voir ça via assemblagerequis.com. Neil Young va lancer son propre lecteur de musique haute définition. Ah ouais? Son alternative au iPod, le chanteur et guitariste canadien Neil Young a annoncé qu'il allait lancer cette semaine un lecteur de musique portable et un service de téléchargement haute définition afin d'améliorer les possibilités d'écouter de la musique numérique. Le musicien natif de Toronto, longtemps critique de la qualité de la musique numérique, a précisé qu'il lancerait cette boutique en ligne pour télécharger de la musique ainsi que ce lecteur portable par le biais de sa nouvelle entreprise qui s'appelle Pono Music. Pono. Donc, le Pono Player qui sera vendu en ligne pour 400$. Pono Player? Oui, pour 400$. Pour de la grosse qualité quand même, ça va être lancé sur Kickstarter. Donc, leur but est d'offrir la plus grande qualité pour la musique numérique mise à disposition par tous toutes les grandes étiquettes. Voilà, je déteste quand les médias utilisent le mot label. De construire le lecteur de musique portable avec le meilleur son et le plus facile à utiliser au monde. Voilà. Phrase difficile à dire. Plusieurs entreprises ont commencé à offrir de tels services haute définition, capables de restaurer une grande quantité des données perdues quand les fichiers sont transférés en MP3. Certains experts remarquent cependant que la moyenne des utilisateurs pourrait ne pas être en mesure de faire la distinction entre la qualité standard et la haute définition. Nous qui n'avons pas les oreilles entraînées pour ça, la différence entre le MP3 et juste un je sais pas si on dit un CD ou un vinyle ou quelque chose de pur. Les CD sont pas purs, mais en tout cas, bref, la différence est difficile à faire pour le commun des mortels, mais pour les mélomanes vraiment dans le domaine depuis très longtemps, ça pourrait faire la différence. Donc, Neil Young vise ce public-là avec ses Pono Player à 400$. Ensuite, ben, on en parlait en ouverture d'émission, mais les acronymes ne sont pas tout à fait compris par l'ensemble du public. Un sondage précise que de nombreuses personnes interrogées ne connaissent pas la signification de termes comme SEO, HTML, MP3 ou encore Blu-ray. Un sondage réalisé par le service de coupons Voucher Cloud indique avoir interrogé presque 2400 personnes environ, âgées de 18 ans et plus, en leur demandant quelle était la signification de plusieurs acronymes. 42% des sondés pensent qu'une carte mère correspond au pont d'un bateau et non pas à un matériel doté de circuits imprimés et de composants permettant de connecter d'autres éléments dessus. Ça, c'est la définition. Ah ben là, quand même, là, franchement. Ben, on ne demande pas la spécificité, mais quand même. Carte mère. 27% des personnes interrogées estiment qu'un gigabyte, un gigaoctet, est un insecte que l'on trouve communément en Amérique du Sud. My God! Ouais. 23% des sondés croient savoir que MP3 est un robot rencontré dans Star Wars et non pas un format audio. Mais non, là, tu me niaises! Le célèbre robot MP3, là. Ben non! Une maladie transmissible pour le HTML, 11%. Tu sais, j'ai attrapé un HTML avec Hey, je pense que je vais essayer de plugger ça. Ouais. Et 15% jugent qu'un software, donc un logiciel, est un vêtement doux et confortable. Software. C'est tout doux. Yes, c'est software. Oh mon Dieu. USB n'est pas l'acronyme de pays européen, contrairement à ce que 12% des gens pensent. USB. Non, mais est-ce qu'ils ont demandé ça genre à des gens de 70 ans et plus? J'espère que c'était assez rigoureux et qu'il y avait une bonne tranche de population là-dedans, de différents. Là, ça se peut pas, là. C'est n'importe quoi. Tout le monde connaît ça, ces termes-là. L'USB. Ça fait dur. On va sauter quelques nouvelles. Je vais vous laisser aller voir ça sur assemblagerequis.com. On va y aller avec une nouvelle sur un vieux jeu vidéo considéré par plusieurs comme le pire jeu, un très mauvais jeu de combat. Shaq Fu de 1994 est récemment revenu dans l'actualité. Donc l'année dernière, le dépôt de la marque Shaq Fighter laissait penser qu'une suite était en chantier, tandis qu'au début de l'année, Shaquille O'Neal lui-même disait en entrevue qu'un nouveau Shaq Fu s'en venait. Donc c'est lui la vedette de ces jeux vidéo-là. Maintenant, c'est officiel, le studio Big D's Productions travaille sur Shaq Fu Legend Reborn en partenariat avec la star du basketball, The Shaq lui-même. Une campagne Indiegogo est même lancée pour donner l'opportunité aux joueurs de participer financièrement avec à la clé quelques jolies récompenses comme des chaussures dédicacées, un match de la NBA en compagnie de Shaq. Donc, de l'aveu des développeurs et du basketteur lui-même, le premier Shaq Fu était minable. En dehors du titre et du héros, le nouveau jeu n'a donc rien à voir avec ce qui a été fait auparavant. On décrit ça comme un mélange de Streets of Rage, Street Fighter et Devil May Cry. Chaque fois, Legend Reborn met en scène Shaquille O'Neal dans un beat-em-up musclé. Big D's, oui, met l'accent sur le grand nombre de coups et de combos à maîtriser pour transformer les ennemis en pattes de Kobe Bryant. Des modes coopératifs et en ligne seront aussi implémentés, de même qu'une palanquée de défis pour se battre contre les meilleurs combattants. C'est prévu sur PC et d'autres consoles plus tard. Notez que l'équipe de Big D's Productions rassemble des personnes qui ont participé au développement de jeux comme Halo, Street Fighter, Final Fantasy et d'autres. Il y a un film sur The Last of Us, un jeu vidéo récent qui s'en vient selon Deadline. The Last of Us aura droit à son adaptation cinématographique distribuée par Screen Gems et ce n'est autre que Sam Raimi et sa société Ghost House Pictures qui en seront à la production. Neil Druckmann, le directeur créatif du jeu, sera à l'écriture de ce film en prise de vue réelle, donc avec des vrais humains. L'éco-président Christophe Balestra et Evan Wells, le game director Bruce Straley et Druckmann occuperont le rôle d'architecte créatif. On vous tient au courant, évidemment. Et finalement, le diffuseur officiel de l'E3 cette année sera Twitch TV, le site de diffusion de parties de jeux vidéo en ligne. On a parlé de Pokémon qui était joué en direct sur Twitch récemment. Donc, comme le fait savoir le comité de l'E3 via sa page Twitter, le service de streaming Twitch sera le diffuseur officiel de la prochaine édition de l'E3 qui se déroulera du 10 au 12 juin 2014 à Los Angeles. C'est évidemment la grosse foire de jeux vidéo qui a lieu à chaque année, qui était diffusée entre autres par G4 dans les années récentes. C'est même un contrat de 3 ans qui a été signé entre le service de Video On Demand et l'Entertainment Software Association qui organise chaque année l'événement. Un nouveau groupe, gros coup de projecteurs pour la plateforme, déjà extrêmement populaire dans le domaine des sports électroniques, les e-sports, et prochainement introduite sur Xbox One. Voilà, Twitch TV qui va être partenaire du prochain E3. Voilà. 3 ans, c'est beaucoup quand même. C'est un bon contrat quand même. C'est un méchant bon contrat. Il était déjà sur la carte, la map, comme on l'appelle. Mm-hmm. Mais ça va encore plus les rendre populaires. Twitch, très populaire chez les jeunes. Donc voilà, pour le bloc Bulletin Geek, c'est Nyx. On est rendu à la pause déjà avec un petit peu de retard même. Donc on s'en va prendre ça et puis après ça, on revient avec WoW at Web et la Geekette en devenir. C'est trop Mathieu Plante Show. Restez là. Dans la zone 89.1. Siffle dans tes oreilles. C'est toujours le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Marie-Ève Picard est là, elle aussi. Ah oui, je suis là. Bien sûr, et elle s'en vient avec sa geekette en devenir dans quelques instants. Ah oui, je l'ai attachée, là, puis elle se prépare, là. Ah, tu peux te dire c'est toi. Ah, tu peux pas te dire dans la pub. Dans la pub, c'est juste Marie-Ève Picard. C'est moi. Mais c'est toi qui parle dans la pub du Mathieu Plante Show. Donc, dans quelques instants, c'est la geekette en devenir. Il y a aussi WoW at Web dans les prochaines secondes, mais avant ça, on pourrait pas passer à côté d'avoir au moins une troisième chanson. Oh my God. Deux se passer, on s'entend là-dessus, même si le temps nous échappe entre les mains comme du sable. Ben oui, on essaie de l'attraper, mais ça marche pas, on n'est pas capable. Il était avec Marie-Ève Picard dans le coin, puis le temps. Hein? Je sais pas. Ah. Ils font des affaires ensemble, elle et le temps. Ouh. Yes. Pour l'instant, on écoute Webland Zero. Voici Falling Past the Spikes and Light. We're falling past the spikes and light. Mais bref, Mathieu Planche. Falling Past the Spikes and Light par Webline Zero. Au Mathieu Plante Show. Maintenant, on enchaîne. Voici la deuxième partie de CNX. C'est Wow, What, Web. C'est Wow, What, Web, où on fait un petit survol du web pour trouver les choses intéressantes pour nous, les geeks. Donc, un petit peu plus avancé que la geekette en devenir, qui va suivre juste après, mais dans le même genre. Ah ouais. Mes choix, puis tes choix. C'est juste la logique des choses, hein? Ben oui. On commence avec Seinfeld. On va commencer directement avec un support auditif. Donc, vous connaissez l'émission, la sitcom Seinfeld, où il se passe, on dit, l'émission qui parle de rien, parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet en particulier, mais tu sais, The Show About Nothing. Imaginez ici... où on voit absolument rien non plus. C'est l'idée derrière cette vidéo-là. Ce qu'on entend, c'est la chanson qui joue entre les scènes de Seinfeld, bien sûr. Ouais. Donc, ce que cette personne a fait, LJ Frezza, c'est de prendre les scènes où il se passe rien dans Seinfeld. Donc, les entre-scènes, tu sais, des fois, tu vas voir le bloc appartement, tu vas voir le petit café où ouais, ils se rencontrent. Okay. Donc, entre 1989 et 1998, il a pris des scènes de Seinfeld où il se passe rien. C'est une super cut de scènes où il n'y a rien. C'est New York sans les gens. Donc, il n'y a pas de rien. OK. Ça. Pendant genre un bon... j'ai pas le timer ici. Est-ce que j'ai le temps? 6 minutes 30. Et pourquoi tu voudrais regarder ça, mettons? Ouais, c'est un bon point, ça. Ben, quand même, hein? C'est un bon point. T'as des bons points, c'est... Ouais, c'est... Tu m'amènes un bon point. Ça m'arrive, tu sais. Ça s'appelle quand même des entre-scènes, là. C'est un petit peu blanc. Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Ensuite de ça... Ou pas. Il y a un ingénieur qui a utilisé 4 de ses moniteurs et même en deux... Non, c'est à peu près ça. 4 moniteurs pour montrer les tableaux de Super Mario Brothers. Donc, le premier, la version sur le Nintendo Entertainment System. Donc, le Mario Bros, le premier. Sur les 4 moniteurs. Donc, vraiment, il a pris ça. Je sais pas comment il a fait ça. Je sais pas comment il a fait pour couper les scènes. Mais sur les 4 moniteurs qui sont placés à côté de l'autre, on voit un tableau complet, le tableau 1-1 et le tableau, je crois que c'est 1-2, de Mario sur les 4 moniteurs, du début à la fin. Parce que chaque tableau a un début et une fin. Donc oui. Ça se suit d'un moniteur à l'autre, c'est vraiment cool. C'est un utilisateur sur Twitter qui s'appelle Murakuma Works. C'est beau. Tu vois, ça c'est déjà plus... intéressant. Plus, ben pas vraiment utile, mais tu sais, moi j'aimerais bien qu'ils me fournissent ces images-là pour pouvoir mettre des fonds d'écran, par exemple, sur 4 moniteurs. Oui, bonne idée. Très le fun. Ensuite, il y a un gars sur son blog, c'est Andrew Emond, un photographe basé à Montréal, géographe amateur et juste un gars qui explore la ville. En fait, ce qu'on appelle un spelunker, c'est quelqu'un qui va aller dans les bas-fonds de la ville pour montrer qu'est-ce qui existe. Donc, il a relancé son site Under Montreal qui vient avec une map interactive du souterrain de Montréal. Donc, Beneath Montreal, Canada, sur son site, c'est ce qu'il explique. Il dit que, bon, il y a un système d'égouts qui combine, genre, une fois combiné, c'est comme 5000 km de long. Il y a des sections qui datent de 1832. Il vous propose des photos vraiment de bonne résolution d'en dessous de Montréal. C'est fascinant. OK. Vraiment cool. Allez voir ça sur son blog Under Montreal, qui se retrouve sur undermontreal.com, très simple. Ensuite, un gars qui a créé un clavier d'ordinateur, Jason Alleman, qui a créé donc ce clavier-là, mais avec des blocs Lego. Donc, c'est un clavier Lego fonctionnel. OK? Donc, il a vraiment fallu qu'il remappe son clavier. Il a pris comme un clavier générique et il a construit un frame autour de ça pour pouvoir mettre les blocs Lego aux bons endroits. Ça fait un clavier vraiment le fun à regarder. Évidemment, on peut pas l'acheter, mais bon, c'est juste cool à voir. Oups, pardon, mon volume m'était allumé. Mais non, c'est vraiment cool avec des blocs Lego. Ça fait un beau petit look. Ensuite, une autre personne, c'est l'artiste Allison Schatz, qui a créé cette clôture en miroir. Donc, c'est un design et une installation de Allison Schatz. Évidemment, une clôture de terrain, mais qui miroite le terrain de ton bar, dans le fond. T'as l'impression que t'as pas de clôture parce que le gazon est miroité. Wow! Par cette clôture-là qui est placée à un angle pour, évidemment, refléter seulement le gazon et non pas le ciel ou la maison. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. Allez voir les photos. C'est cool. J'adore ça. T'as vraiment l'impression qu'il y a pas du tout de clôture. Wow! Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais bien... je vais essayer d'y aller rapidement. Il y a plein de liens qui vont rester sur assemblagerequis.com. Entre autres, un jeu de société de Portal qui s'en vient très bientôt. Il y a aussi un artiste de bande dessinée qui crée de l'art assez fancy. Pour vrai, il n'y a pas grand-chose d'autre que je tiens absolument à vous dire. Non, je pense que ça va y aller avec ça. Voilà. C'était cool quand même. Ah, il y a Mario Kart dans la vraie vie qui est quand même le fun aussi. Mais bon, je vais arrêter là parce que je vais te laisser à cette place. Mario Kart dans la vraie vie? Oui, allez voir ça, c'était à South by Southwest. Il y a une petite vidéo que j'ai postée de ça, de Mario Kart, avec des vraies voitures. Le lien est sur le site. Cool. Ouais. Mais pour l'instant, donc, c'est le 6 qui nous amène, comme toute bonne fin d'émission qui se respecte du Mathieu Planchot, à la Geekette en devenir. La Geekette en devenir, c'est évidemment Marie-Ève Picard qui attend patiemment sur le bout de son siège jusqu'à la fin de l'émission pour nous partager quelques affaires qu'elle a trouvées sur Internet. Ah ben oui. Ben là, peut-être pas sur le bout de mon siège, là, mais je suis là. Non, t'es complètement évaché, là. Ouais. Tu te grattes les cuisses, puis... Ouais. Je mange des Cheetos. Ah ouais. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben, pas de Disney. Pas de Disney, non. Inacceptable. Ben non, là, dis pas ça. Je suis de bien compter. Je vais réussir à survivre. Mais... quelque chose pour toi qui va te faire plaisir. OK. Des petits chats. Ah, des chats. Des chats. Il y a un concours de photos à l'université en ce moment et j'ai voté pour la photo qui avait un chat dedans, juste parce qu'il y avait un chat, ça. Cool. C'est comme ça. Super. Écoute, que dirais-tu? Ben, as-tu déjà... Premièrement, attends, commençons, là. As-tu déjà vu le film Jurassic Park? J'ai vu ça quand j'étais très, très jeune, je crois, au cinépark. Ah, oui. Il me semble que c'est le fun. Oui, ouais. Ça se peut bien. Te souviens-tu de la scène là, où ce que les enfants, là, le frère puis la sœur, ils sont dans la cuisine, là, puis là, il y a des raptors là, qui les poursuivent okay, un peu, puis là, ils essaient de se cacher. Là, ouais. Pis... mais il y a quelqu'un d'assez intelligent là, qui s'est dit « Pourquoi pas remplacer les dinosaures par des chats? » Ce serait bien moins épeurant, ça ferait bien moins de cauchemars chez les enfants. Quand ben même. Oui! Alors les gens de We Are Camera Studio ont décidé de faire ça. Bon, ils ont mis des petits extraits là, que vous pouvez aller voir sur le site internet. Bien sûr. Qui sera sur Assemblage Requis. Mais c'est très drôle. Non, trop cool. Je commence à le regarder en ce moment. C'est un petit clip très bien réalisé parce que pour vrai, tu pourrais pas penser que. Tu penses que c'était comme ça dans le film. C'était original, ouais, c'est ça. T'es pas tant que ça, mais quand même. C'est bien, c'est très très bien. Oui. Ouais. Cool, hein? Très beau. Oui. Ouais. Ensuite, quelque chose de plus léger, là... C'était très léger, mais le chat était gros quand même. C'est un gros chat. On va le dire dans la vidéo, c'est un gros chat. Il était impressionnant quand même. Ouais, ouais, quand même. Hein. Mais non, mais je disais là quelque chose de plus léger dans le sens d'une nouvelle plus anodine. Anodine, oui, c'est le bon mot. Les vilains de la ville de Gotham, ainsi que Batman. Mm-hmm. Tu connais? Oui, je connais ça, Batman. Batman! Oui. Ouais. Ben, tu sais, sont beaux, là. C'est des beaux dessins. Ouais. C'est des belles bandes dessinées. Oui, tout à fait. Mais imagine-les donc refaits de façon rétro. OK. Encore plus rétro que les Batman rétro, là. Ben oui! On retourne vraiment très loin en arrière. Complètement rétro. OK. Oui. Perry Mapple qui a dessiné ça. OK. C'est vraiment beau. Très minimaliste aussi, oui. Je trouve. Ben c'est ça qui est beau. C'est ça, vintage. C'était pointu, tu sais, les petites jambes avec des chevilles vraiment étroites, un menton très, très effilé, un nez triangulaire. Ah non, ça fait drôle de voir ça, c'est vraiment cool. Ouais. Moi, je trouve ça beau, ce genre de... Oui, d'art, moi aussi. D'art-là. T'as vu comment Robin arrive même pas à la taille de Batman? Oui! Très, très soumis. Ben oui, écoute. Le pingouin est énorme. C'est le numéro 2, hein? C'est pas Batman. C'est joli. Voilà. Ensuite, toi, dans ta vie, je suis sûre que t'as déjà trippé sur une petite pouliche. Peut-être pas autant que sur Harry. Sur les petites pouliches. Ouais, je trippe sur les chevaux. C'est là, les petites pouliches. Non, mais j'aime les petites pouliches. La nouvelle version, le dessin animé en super HD en ce moment, là, vraiment, les images sont absolument fabuleuses. Bon, okay. J'aime ça. Bon, ben, mettons, prends ça, là. Okay. Puis, imagine-les, les pouliches, mais version humaine. En version fille, jeune adolescente, mettons. Là. OK, j'arrive sur les photos en ce moment et la première me fait déjà triper parce qu'elle est rousse. Écoute. Mais tu sais, pour toutes les filles là, qui nous écoutent. Oui. Non, mais vraiment, là, quand tu les regardes, là, tu te dis, Colin, ça me fait vraiment penser à mes anciennes pouliches. Oui, tout à fait. Ben, c'est la longue chevelure et les vêtements amples qui peuvent ressembler, en effet, à une petite pouliche très colorée. Tu sais, qui sont du genre, justement, de la pouliche, parce que tu sais, les pouliches avaient toute une caractéristique spéciale, là, un peu. Ben, c'est ça. Donc, elle a repris les pouliches en version humaine avec leurs caractéristiques. Il y en a une ici qui ressemble à un cowboy un petit peu avec, avec son lasso et ses bas de cowboy. Yeah, Applejack. Oui, l'autre, Fluttershy, qu'on connaît pour sa fourrure rose mauve style. Ouais, donc, ici, elle a les cheveux roses. Mais oui, déjà, c'est gagnant pour toi. Hein? Ah, cheveux roses, ben, clairement. Oui. Tu me gagnes à tout coup. Ben, tout à fait. Exact. Ben oui. Sans aucun sarcasme, c'est tout à fait vrai. Oui. Pinkie Pie a aussi les cheveux mauves. Ouais. Oui, c'est pour vrai, je pense que c'est à date mon préféré lorsque tu m'apportes là. Oh. As-tu d'autres choses qui pourraient battre ça? Ben, peut-être. Tu mettons, t'aimes-tu les femmes d'âge mûr? Non, en fait, au contraire. Non, je pense que ça ne marchera pas dans ce cas-ci. Ah, ben là, ça ne marchera pas d'abord. En fait, c'est des photos des jeunes femmes de Playboy. OK, des bunnies, des petites lapines Playboy. Exactement. Mais 50 ans plus tard. Ah ah, de quoi elles ont l'air dans le présent. Donc, de quoi elles ont l'air maintenant, exactement. Mm-hmm. Et c'est quand même... bon, écoute, il y en a certaines qui sont pas peut-être, très belles. C'est ça, elles sont peut-être pas à leur sommet de beauté. Ouais, c'est mais ça. Il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, oui, on s'entend. Oui, ben c'est ça. Il y en a qui sont très jolies quand même encore. C'est même surprenant. On sentait que les choses baissent après 50 ans. Je ne sais pas si certains avaient eu des chirurgies dans le temps. Les choses baissent. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'attend que non, mais là, la gravité fait le travail, là. Ah, mon Dieu. La gravité, tu peux pas empêcher la gravité, à moins d'avoir eu des chirurgies. Et peut-être que certaines de ces femmes-là ont eu des chirurgies dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont peut-être l'air plus jeune, mettons, aujourd'hui. Non, mais je sais pas, c'est des préjugés, mais c'est des top modèles. Les top modèles, on s'entend que c'est pas quelque chose de. C'est pas un tabou dans le domaine, là. Tu sais, la chirurgie plastique. On s'entend là-dessus? Bon. Mais quand même, non, je suis content de voir ça. C'est bien de voir ces femmes-là 40 à 50 ans plus tard. Donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Oui! Et pour finir, j'ai trouvé quelque chose de drôle. Okay. En tout cas, moi je trouve. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, mettons, là, on parle de geek, là, tu sais, hein, c'est l'émission quand même, là. L'émission la plus geek, je pense, assez souvent. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, tu sais, hein, on a comme tout le projet aussi, tu sais, que les geeks, là, avec les filles, tu sais, c'est... Ils sont pas très habiles. C'est là. Pas notre domaine, non. C'est pas votre domaine, là. Ben écoutez, j'ai trouvé une app pour vous. OK. Ça s'appelle Lick This App. Lick This App. Lèche-moi cette application-là. Okay. Exactement. Mm-hmm. Et c'est une application, en fait, qui est faite pour que vous puissiez, messieurs, ou mesdames aussi, pratiquer votre coup de langue. Alors, OK, on dirait évidemment pour licher un cornet à l'étoile polaire les fêtes de semaine. Ouais, c'est ça, c'est voilà. Ça. D'accord. Écoute, donc, tu downloads l'application et tu as le choix entre trois exercices. Donc, tu peux, en fait, c'est vraiment sur ton téléphone, là. Oui, oui, les microbes et tout, là. Oui, oui. Oui, oui, mais si tu veux, tu peux mettre comme un petit saran wrap, là. Oui, oui, excusez. Et donc, c'est ça. Alors, tu choisis entre trois exercices, soit le haut en bas, qui est comme une lumière. Le classique, oui. Ben, en plus, il te montre vraiment la lumière, là. Oui, oui, c'est ça. Puis là, tu bouges donc ta langue de haut en bas, là, sur l'application. Par exemple, ça ne dit pas si l'application te note sur ton lichage. Peut-être dans la version 2.0, là. Oui, peut-être. Mettons, OK, appuie plus fort ou moins fort ou trop de bave ou... enfin. On joue bien dans les coins. Oui, c'est ça. Sexuellement parlant. ouais. Oui, oui, oui, ben oui, mm-hmm. Tout à fait. Après ça, quand tu commences à être bon, tu peux aller à l'application Cercle. Oh, difficile, là, ouais. Faire des ronds, là, c'est pas évident. Alors, la petite image pour celui-là, c'est un aiguisoir, là, comme anciennement. Là, à crayon plomb. Est... Oui, c'est ça. Oui. Fait que tu dois donc tourner la poignée en lichant. L'application, oui. L'écran, bien ben sûr. Oui, tout à fait. Et pour finir aussi, tu as un ballon. Qui ça c'est l'image là, le ballon c'est comme un genre de un je trouve pas le mot français un mais style libre, un style libre ouais, c'est ça tu peux faire ce que tu veux oui mais en fait le but c'est de ne pas laisser tomber le ballon. Aha. Il faut tout le temps que le ballon comme reste tu vas comme dans tu veux mais airs. Le ballon reste dans les airs c'est ça okay. Exact wow. Alors là, une autre chose, par exemple, c'est plate, là, je croyais qu'il dirait, mais ça dit pas si c'est payant ou pas, mais bon, hein? Ce que j'en lis, je suis dessus en ce moment sur linkdesap.com, et il appelle ça une application, mais c'est une application web, donc t'as pas à télécharger littéralement l'application, t'as juste à l'entrer sur Safari, donc tu entres linkdesap.com, et je l'ai là, évidemment, mon écran n'est pas tactile. ça dit vraiment sur le site, visitez ce site web sur votre téléphone ou sur votre tablette, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, linkdesap.com, belle découverte, ça? Mais pas pire, hein? Entraînez-vous pour les prochaines Olympiques de la langue. Exactement. Merci, Marie-Ève Picard. Ça fait plaisir. Et c'est ce qui termine ce Mathieu Plante Show pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain en direct entre 16h et 17h. On repasse les samedis à partir de 15h. Consultez la programmation sur cif.ca, les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Merci encore une fois, Marie-Ève Picard. Ça me fait plaisir, Mathieu Plante. À la semaine prochaine pour un autre Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Bye! Bye-bye!